إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de la risala qu'on a commencé à expliquer dans les deux derniers cours qu'on a fait hier, et c'est pour rappeler le titre de la muhadara, c'était وجوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة. Et on avait dit que on allait réintituler cette conférence « Ô jeune frère, ne te fais pas avoir hein? ». Donc, on a expliqué dans les derniers cours les causes de la division. Et c'est à ce point-là qu'on était rendu. On a expliqué la première cause et on a expliqué que cette cause-là, c'était le fait de s'écarter du manhaj des salafs. Le fait de s'écarter du manhaj des salafs. وعليكم السلام ورحمة الله. Dans la aqida, dans tous les aspects de la religion. Donc celui qui s'écarte de la voie des salafs dans ces choses-là, donc ça fait partie des plus grandes causes de division. Hein? Et la deuxième cause, le cheikh il explique ça maintenant. Il dit: والسبب الثاني من أسباب التفرق الاستماع إلى الأكاذيب ونحوها. C'est-à-dire le fait d'écouter les mensonges. Le fait d'écouter les mensonges et les choses de ce genre. Donc le cheikh il dit: ثانياً من أسباب هذا التفرق وهذا الاختلاف الاستماع إلى الأكاذيب والوشايات والإرجافات والترويجات التي يروجها بيننا ضعف الإيمان أو المنافقين أو المغرضون الذين لا يريدون لنا أن نجتمع على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. Donc le cheikh il dit comme deuxième cause donc de la division, il y a le fait d'écouter les mensonges, d'écouter les gens qui transportent ou qui diffusent et qui propagent des mensonges, qui propagent des paroles mensongères et enjolivées, qui propage des paroles alarmistes et qui essaie de faire peur aux croyants, qui essaie de faire peur aux croyants avec des informations ou des nouvelles qui sont erronées ou falsifiées, ou bien des gens qui rapportent des ragots ou des choses qui sont des histoires, des choses qui sont pas vraies, ou des rumeurs. Qui diffusent des rumeurs fausses parmi les gens. Et ceux qui font ce genre de choses-là, ce sont souvent les gens qui ont la foi faible, comme le cheikh dit, des aful iman, ou bien les hypocrites, al-munafiqoun, ou bien al-mughridoun, les gens qui sont mal intentionnés, hein, qui ont des mauvaises intentions et qui veulent faire du tort. Donc, le cheikh il dit ce sont des gens qui ne veulent pas que les musulmans s'unissent sur une seule et même aqida. Et ils ne veulent pas que les gens s'unissent sur une religion unique. Le cheikh il dit فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا التَّثَبُّتُ وَعَدَمُ التَّسَرُّعُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَنَا بِالتَّثَبُّتُ فيما يختص بالعامة من الأمة وجعل أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. Donc, le cheikh il dit que qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de faire dans qu'est-ce qui a rapport avec ce genre de choses qui divisent les musulmans, hein, par rapport aux gens qui diffusent des mensonges, qui diffusent des rumeurs, hein, qui font du colportage, ou bien qui font du, comme on dit, de la médisance aussi, et toutes sortes de choses de ce genre, c'est de vérifier les informations et de ne pas se précipiter, hein, à les diffuser. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire preuve de, hein, de ce genre d'attitude, de vérifier les informations dans les choses qui ont rapport avec la Umma en général, dans leurs affaires, et en particulier les choses qui ont rapport avec les choses qui ont rapport avec la paix ou la guerre, ou avec les affaires qui ont rapport avec les causes qui ont rapport avec les choses qui sont du bien public, hein, qui touchent à tout le monde en général, et que les choses à ce sujet là doivent être ramenées aux dirigeants et aux ulama de la Ummah, et que c'est eux qui ont leur mot à dire pour clarifier dans ces choses-là, et en est pour expliquer aux gens comment ils doivent agir et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans qu'est-ce qui est propagé comme information, et comment on doit réagir face à ces nouvelles-là et face à ces informations-là. Et c'est pas permis à des individus, et en est des individus qui n'ont pas un lien avec les dirigeants ou qui sont pas des ulama eux-mêmes, de s'infiltrer ou de rentrer dans ces choses-là pour commencer à yani, diviser la Umma et yani, commencer à rentrer dans des discussions au sujet de ces choses-là pour créer de la confusion parmi les gens. Et puis on va donner des exemples, Inch'Allah, à ce sujet-là pour faire comprendre et clarifier la situation. Parce que si tout le monde se permet de rentrer dans ce genre de sujet-là et de propager ces paroles-là et ces choses-là parmi les gens, ça ouvre la porte et ça donne la chance aux gens qui ont des mauvaises intentions et qui veulent du mal aux musulmans, hein, de profiter de ça pour, par la suite, nuire. Et on voit ça de la part, en particulier de la part des gens de Bid'a et des Hizbiyin, qui, hein, propagent des mensonges, propagent des faussetés à propos des ulama, à propos des dirigeants, à propos des gens qui appellent à la salafia ou qui appellent à la sunna. Et quand il se passe quelque chose dans la société sur le plan politique, que ce soit international ou dans certains pays musulmans, eh bien ils en profitent pour prendre la parole, pour se mettre de l'avant, pour semer la confusion et contredire les ulama, les grands ulama, quand ils font des fatwas sur certaines questions. Et le meilleur exemple de qu'est-ce qu'on peut mentionner à ce sujet-là, c'est l'attitude de certains parmi ces gens-là lorsqu'il y a eu, par exemple, la guerre du Golfe. Et on a vu, par exemple, leur réaction lorsque les ulama, les grands ulama comme Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, le comité permanent des ulama ont donné la fatwa au sujet des événements qui se sont produits à cette époque-là. Eh bien, il y a eu des individus parmi les petits, qui étaient considérés parmi les du'at ou bien parmi les toulab al-ilm, qui se sont permis, hein, d'être effrontés et de s'opposer à la parole de ces grands ulama et à créer de la fitna et de la division parmi les jeunes en disant que il voulait défendre la vérité et empêcher qu'on mente à propos d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et des choses de ce genre. Donc ils se sont permis de rentrer dans ces grandes questions-là et d'essayer de donner des fatwas sur ces questions-là qui ne les concernent pas directement, puisque ce ne sont pas eux qui ont cette position-là dans la société, et qui avaient le niveau aussi de rentrer dans ces sujets-là pour en parler et pour essayer de trouver des solutions selon la charia. Donc, ils ont parlé comme s'ils voulaient défendre le haqq, comme s'ils voulaient défendre l'islam, défendre la vérité, et comme si les grands ulama, eux, n'étaient pas sincères envers la Ummah, et comme si leur intention c'était de cacher la vérité et de déformer les faits pour dire des choses qui sont en contradiction avec l'islam et la charia. Donc, alhamdoulilah, les ulama ont clarifié la situation et ils ont réfuté ces individus-là. Mais parmi les gens de Hizbi et parmi les gens de Bid'a, dans le monde musulman, on a vu ces choses-là être propagées. Et les gens commençaient à dénigrer les ulama. Et commençaient à faire même le takfir, parfois même, des ulama. Et commençaient même à faire le takfir des dirigeants aussi, bien entendu. Donc ça c'est parmi les takfiriens, parmi les hizbiens et ainsi de suite. Et ils veulent rabaisser les ulama pour se mettre eux à leur place, pour se substituer aux ulama. Et donc quand il y a des situations ou des événements qui se produisent, eh bien ils commencent à répandre des rumeurs ou des paroles ou des choses au sujet de ces ulama-là pour essayer de faire détourner les jeunes de ces ulama, pour que les jeunes ne retournent plus aux ulama pour avoir des réponses au sujet de ces questions-là ou d'autres questions de façon générale dans la religion, et en particulier dans ces questions-là, que ce soit les questions qui ont rapport avec le djihad ou les questions qui ont rapport avec les ententes de paix, les contrats et les pactes, ou que ce soit les questions qui ont rapport avec d'autres questions, des choses de ce genre qui ont rapport avec la politique internationale ou autre. Et ils veulent que les gens retournent à eux-mêmes. Ils veulent que les jeunes retournent à ces gens-là, parmi les soi-disant penseurs islamiques ou prêcheurs islamiques. Et on va donner d'autres exemples aussi par la suite. Le cheikh dit « Fahunaka umur hiya min ikhtisasi wulat al-umur » ومن اختصاص علماء الأمة أما أفرادنا فإنه لا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيها لأنها ليست من شؤونهم وإذا تدخل فيها كل أحد فسدت يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Donc le cheikh il dit, il y a des choses qui sont réservées et qui sont particulières aux dirigeants de la Umma et aux ulama de la Umma, et qu'il n'y a personne d'autre qu'eux qui ont le droit de se mêler de ces questions-là et de parler de ces questions-là. Et pour, malheureusement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y en a des gens qui pensent, parce qu'ils ont été parfois influencés par la mentalité occidentale ou autre, que tout le monde a la liberté de s'exprimer et de parler et donner son opinion et son point de vue à propos de tout, sans exception, Et ça, c'est tout à fait ridicule, puisque même dans les choses qui ont rapport avec la dunya, c'est pas tout le monde qui peut parler de qu'est-ce qu'il veut. Et même si on laisse les gens dire ce qu'ils veulent à propos de n'importe quoi, on va pas prendre en considération la parole de n'importe qui dans certaines choses. Et en particulier, par exemple, dans ce qui a rapport avec le domaine des sciences naturelles, comme par exemple la chimie, la physique, la biologie ou d'autres choses de ce genre, est-ce que n'importe qui va parler dans ces questions-là et dire ce qu'il veut selon son opinion? Si on laisse quelqu'un parler dans ces questions-là selon son opinion alors qu'il n'a jamais étudié ces choses-là et qu'il ne connaît rien là-dedans, bien, il va dire des choses absurdes, des choses qui sont contraires aux faits et à la réalité, et on va voir que ça sera ridicule, que ce soit la médecine, que ce soit l'ingénierie ou bien autre domaine de ce genre, personne ne va se permettre de rentrer ou de parler de ces sujets-là, excepté si il a les compétences nécessaires. Et ça, c'est des choses qui ont rapport avec la dunya. Donc, que dire des choses qui ont rapport avec din, hein? Et din, c'est quelque chose qui est relié avec notre, hein, notre conclusion ou bien notre orientation par rapport à qu'est-ce qu'on fait dans cette dunya et qu'est-ce qui va nous arriver, quel sera notre sort dans l'au-delà, c'est-à-dire est-ce qu'on va être au paradis ou en enfer pour l'éternité, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui est dangereux, et donc de se permettre de parler de ces choses-là, hein, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans des questions qui sont très, hein, compliquées, très graves, eh bien c'est pas quelque chose qui est permis. Et donc il y a des choses dans l'islam. Premièrement, dans l'islam, il y a des différences. Il y a des distinctions entre les gens. Les gens, on a l'habitude de dire tout le monde est égal. Hein, tout le monde est égal dans l'islam. Sauf que, dans la réalité, tout le monde n'est pas égal. Tout le monde n'est pas égal parce que certaines personnes ont plus de droits que d'autres sur le plan du respect. Comme les personnes âgées, les parents, hein, les ulamas, les dirigeants, et ainsi de suite. Ils ont plus de droits au respect que les autres. Et ils ont plus de responsabilités aussi. Hein, puisque justement, ils ont la connaissance, ils ont l'autorité, le pouvoir, et ainsi de suite. Donc, à cause de ces raisons-là, on ne peut pas dire que tout le monde est pareil, au même niveau ou égal. Mais il y a des gens qui ont cette mentalité-là parce qu'ils ont été inspirés, justement, comme je disais, par les idées des kuffars, l'idée d'égalité absolue, que tout le monde est pareil, qu'il n'y a personne qui mérite plus de respect ou plus, hein, d'être traité de façon particulière par rapport à un autre. Hein, et c'est pas vrai. Donc, les dirigeants, ils ont des devoirs et des responsabilités particulières, qui sont plus importantes que le reste des gens. Et en même temps, c'est eux qui ont l'autorité et la capacité de faire quelque chose lorsque certains événements se produisent. Parce que c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui ont la décision dans ces situations-là. Tandis que deux personnes peuvent s'asseoir, hein, sur le trottoir puis commencer à discuter de ces situations-là par rapport à qu'est-ce qui se passe dans tel pays ou tel pays, le problème qui se passe, une guerre qui se passe à tel endroit ou à tel endroit, ils peuvent s'asseoir là pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de se débattre et de discuter sur ces sujets-là. Mais peu importe lequel des deux va arriver avec la conclusion à laquelle il arrive, ça va rien changer dans les décisions qui vont être prises à la fin, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir et aucun mot, aucune autorité dans ces questions-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'en même temps, c'est une perte de temps de vouloir essayer même de se mêler de ce genre de choses-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui a rapport avec le rôle des ulama de la Ummah, ceux qui ont la connaissance du Coran et la connaissance de la Sunna et la connaissance des sciences islamiques en général, puisque c'est eux qui jugent selon le Coran et la Sunna et qui vont donner la nasiha, hein, et qui vont donner les fatawa et qui vont clarifier pour les gens qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans des situations comme ça. Et même que certains ulama mentionnent que c'est pas n'importe quel d'entre les ulama qui parle dans certaines de ces situations-là ou de ces événements-là, mais que c'est une catégorie bien particulière d'entre les ulama, hein, c'est-à-dire les grands d'entre eux, les plus anciens, les plus âgés parmi eux, les plus expérimentés parmi eux, ceux qui ont, hein, ils disent les ulama, ils disent ceux qui ont la barbe grise, hein, dans la science. C'est pas n'importe quel. Et même dans quand il y a des choses qu'on appelle en arabe, les ulama appellent al-nawazil, hein, c'est-à-dire les choses qui ont rapport avec les catastrophes ou les choses qui arrivent, qui sont des choses générales, quand il y a un grand mal qui est généralisé ou des événements qui se passent qui représentent des sources de fitan, des grands dangers pour la Ummah. Dans des situations comme ça, c'est pas n'importe quel alim même qui doit donner des fatwas. C'est pas l'imam de la mosquée, c'est pas yani le talib ilm, hein, même s'il a, il est établi dans sa science, c'est pas yani le cheikh, hein, qui donne des durous et ainsi de suite. Non, c'est kibar al-ulama, les plus grands parmi les ulama, hein. C'est comme par exemple à l'époque des salaf, c'est pas tout le monde qui se permettait de faire des fatwas à n'importe quel sujet, hein. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme à l'époque de l'imam Malik, hein, les gens disaient qu'à l'époque de l'imam Malik, les imams de la dunya, les grands savants de la dunya à cette époque-là, c'était, il y avait parmi eux l'imam Malik, il y avait l'imam Al-Layth ibn Sa'ad, il y avait l'imam Al-Awza'i, et il y avait aussi l'imam Sufyan al-Thawri. C'était eux les quatre grands ulama de la Ummah. Pourtant, il y avait des milliers d'autres grands savants, hein, et tullab ilm, et shuyukh, et ulama. Mais dans les affaires qui étaient reliées aux grandes questions et aux grands problèmes, il n'y en avait que quatre, hein, qui étaient ces grands imams-là, les plus savants de l'époque, hein. Et donc, ils ne retournaient pas à n'importe qui pour savoir des réponses par rapport à ces questions-là. Ils retournaient à ces grands imams. Et c'est comme à l'époque où Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, hein, rahimahumullah, ils étaient en vie. Eh bien, souvent les Hizbiyin, ils disaient, quoi, vous avez seulement trois savants? Si ces trois savants-là meurent, qui va être les imams ou les ulama après? Et la réalité, c'est que c'est quand on parlait de ces trois imams-là, on voulait dire les trois parmi les imams les plus grands, hein, de leur temps, les plus grands de leur époque, les plus élevés dans leur niveau, dans leur compréhension et dans la connaissance de l'islam, ceux qui ont été fermes dans leur aqid, dans leur manhaj pendant toute leur vie. Ils ont passé, hein, s'ils sont arrivés à l'âge de 80 ans ou presque 90 ans, eh bien ils ont étudié cette science-là, ils ont appris cette religion-là pendant toute leur vie, et ils l'ont compris, ils l'ont appliqué, ils ont pratiqué cette religion-là, ils ont donc de non seulement la science mais l'expérience et la pratique et ainsi de suite, hein. Donc c'est, on parle de ceux qui sont les imams de leur époque, hein. C'est de ceux-là qu'on parle, et c'est pour cette raison-là donc qu'on se réfère à ceux-là, hein. Et à chaque époque il y a justement des imams comme ceux-là qui sont les plus savants et les plus élevés de leur époque, de leur génération et ainsi de suite. Donc c'est vers ceux-là que l'on revient dans des questions et dans des situations comme ça. Sinon, tu vois maintenant des jeunes, hein, de 14, 15 ans dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, qui se permettent de faire des fatwas maintenant. Et non, pas seulement à propos des choses élémentaires que chaque musulman doit connaître, mais à propos des questions qui ont rapport avec la paix et la guerre, avec le djihad, et à propos de takfir, et à propos des questions qui ont rapport avec les fondements de la aqida, et ils vont même se permettre de dénigrer les grands imams de l'islam, les grands ulama, et ils parlent d'eux comme si c'était n'importe qui, hein. Donc ça montre le degré, le niveau d'égarement de ces jeunes. Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, si on permet à chaque personne de mettre son nez dans ces questions-là, et dans ces sujets-là, et de parler de ces questions-là, c'est ça qui ouvre la porte à la division. C'est ça qui amène la corruption et le désordre entre les jeunes. Et si tu regardes, par exemple, beaucoup des causes de division qui se passent entre les jeunes, eh bien, c'est souvent à cause de ces sujets-là. Parce que les hizbiyins, quand ils viennent chez les jeunes pour les appeler à leur voix, ils ne leur parlent pas nécessairement de religion directement. Ils rentrent avec eux sur des sujets politiques. Ils rentrent sur eux avec des sujets qui ont rapport avec la politique, l'économie, la situation mondiale, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et ainsi de suite. Et ils rentrent par cette porte pour se permettre par la suite de rentrer dans l'attaque des ulama, l'attaque des dirigeants, l'attaque des responsables de la Ummah, puis par la suite, hein, de commencer à contredire les fondements de la Sunna, les fondements de la Aqidah, hein, avec des arguments soi-disant rationnels pour essayer de faire en sorte que les jeunes commencent à les suivre. Hein? Mais ils ne commencent pas avec le ilm, avec la science, avec la rida et les choses de ce genre. Non, jamais. Et c'est pour ça que même pour attirer des jeunes, parfois, comme je disais hier, ils vont commencer par des activités sportives, des activités sociales, des regroupements, des rassemblements, manger ensemble, faire des activités ensemble, des sports ensemble, créer des liens d'amitié. Puis ils vont même pas parler de aqida ou de manhaj avec eux, non. Juste par le simple fait d'être amis ensemble, de créer des liens d'amitié, puis de faire des jeux ou des sports ensemble, gagner la confiance de ces jeunes-là. Puis une fois qu'ils gagnent la confiance de ces jeunes-là, commencer à rentrer dans ces questions-là, de politique, d'économie et autres, pour les rapprocher d'eux. Puis la hizbiya s'installe sans même qu'ils s'aperçoivent de ça. C'est-à-dire qu'ils deviennent attachés à un groupe et à des idées sans même savoir qu'ils sont en train de rentrer dans un groupe et dans des idées de hizbiya. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre les hizbiyins maintenant, lorsque tu veux aller les mettre en garde contre un individu ou contre un groupe, hein, tu dis « Yahri ». Ça c'est les idées des Ikhwan, ça c'est les idées des Hizbiyin, ça c'est les idées de tel ou tel groupe ou de tel ou tel individu. Eux ils ne savent même pas le nom de ce groupe là, ils ne l'ont jamais entendu peut-être avant que toi tu leur en parles. Et le nom de tel ou tel individu qui est à la tête de cette jama'a, ils ne l'ont jamais entendu avant que toi tu le mettes en garde de ces gens là. Pourquoi? Parce que la façon comment on les a appelés à adhérer à ces idées-là et à ces principes-là, ça n'a pas été par l'enseignement, ça n'a pas été par la da'wah directe et claire, ça a été par un moyen subtil. Ils sont passés par d'autres méthodes pour les rapprocher. Et ce n'est pas important pour les hizbiyins aujourd'hui de trouver que les gens sont déclarés comme étant membres de leur jama'a. Comme si tu ne vas pas trouver quand ils appellent les jeunes, ils ne disent pas « Est-ce que tu veux devenir membre du groupe des frères musulmans? Est-ce que tu veux, on va te donner une carte de membre et tu vas nous donner l'allégeance, puis après tu vas rentrer dans notre jama'a. » Il n'y a personne qui fait ça parmi eux. Mais ils essaient seulement de faire en sorte que ces jeunes-là commencent à être sympathisants à leur cause ou à certaines de leurs causes et à les réunir entre eux pour faire des activités ensemble. Et par le fait de les côtoyer, de les fréquenter, ils commencent à adopter leur méthodologie, leurs idéologies, sans même s'en apercevoir. Et c'est ça ce qui se passe, et c'est ça le danger en fait. Parce que après, tu vois que ces gens-là deviennent des Ikhwan, et ils ne savent même pas qu'ils font partie des Ikhwan. Ils vont faire partie de... D'autres groupes de différentes tendances sans même savoir qu'ils font partie d'un groupe qui est en opposition avec la sunna. Ou bien parmi les hizbiyins, ou bien parmi les takfiriyins, ou bien parmi les sururiyins ou les qutbiyins, ou d'autres groupes, comme même parmi les tablirs maintenant. Parce que maintenant il y a les tablirs, ils ont évolué. Dans le sens que je dis ils ont évolué, ils ont essayé d'adapter maintenant leur façon d'inviter les gens à leur groupe. Avant, c'était d'une manière qui était connue, qu'ils faisaient leur truc, je me rappelle, il y a 20 ans de ça, hein, ils faisaient les choses toujours de la même façon. Maintenant, ils ont compris qu'ils se font critiquer par les gens de la sunna, et les ulama ont parlé à leur sujet, donc maintenant, ils changent leur méthode. Et ils essaient d'adapter un autre discours, hein, pour essayer de faire croire aux gens que non, maintenant on accepte certaines choses de la sunna, maintenant on accepte certaines choses de la aqida et ainsi de suite. Hein? Donc c'est des nouvelles méthodes qu'ils développent pour essayer d'attirer les gens, pour les tromper. Donc le cheikh il mentionne donc ces questions-là qui ont rapport avec des questions de politique et de sécurité et de paix et de guerre. Il mentionne le verset 83 dans surat An-Nisa. Il dit « Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala » وإذا جاءهم أمر من الأمن. Donc s'il leur vient le sens de qu'est-ce que Allah dit dans ce verset, s'il leur vient une question qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ils la diffusent. Mais s'ils la ramenaient aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux qui peuvent extraire les verdicts de ces situations-là auraient su quoi faire avec ces informations-là. Et si ce n'était de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et de sa miséricorde, vous auriez suivi le shaitan, excepté très peu d'entre vous. Donc, nous on a compris par rapport à ce verset-là que notre manhaj au sujet de ces questions-là, c'est de ne pas s'en mêler. Et de les laisser à ceux qui sont concernés par ces questions-là, c'est-à-dire les ulama et les dirigeants et les ulama. Et c'est à eux de régler ces questions-là et de parler et de traiter de ces sujets-là. Donc, vous allez voir que dans les groupes de Hizbiya et le manège des gens de Hizbiya, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour eux, ils vont organiser une conférence sur les situations, des problèmes politiques qui se passent dans tel ou tel pays, ou dans tel ou tel endroit. Puis, ils vont inviter un docteur, ou un politicien, ou bien quelqu'un qui est philosophe, ou quelqu'un comme ça, pour donner une conférence sur ce sujet-là, puis commencer à élaborer des idées et parler de ces sujets-là. Comme si c'était un sujet philosophique, hein, que tu t'assois puis tu commences à débattre et émettre des théories sur c'est quoi le problème puis comment on va le régler. Hein. Alors que souvent ce ne sont même pas des ulama de l'islam, ce sont des gens qui n'ont pas étudié la sharia, qui n'ont pas étudié l'ilm shari'i. Hein. Juste des gens qui ont étudié dans les universités, des koufars dans certains domaines, qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qui analysent ces questions-là d'un point de vue matérialiste ou d'un point de vue social, comme les sociologues et les autres gens de ces catégories-là, chez les koufars. Et puis peut-être qu'ils vont peut-être rajouter à ça certains points de vue des islamistes, par exemple des groupes d'Ikhwan ou d'autres de ces tendances-là, pour essayer de donner à leurs paroles une interprétation religieuse, mais souvent c'est pas selon la compréhension des salafus salih, c'est selon la compréhension des hizbiyin et des gens de bid'ah comme Sayyid Qutb et Muhammad Qutb et d'autres penseurs comme Al-Mawdoudi et ainsi de suite. D'accord. Donc le cheikh il dit ar-ruju'u fi ma yushkalu 'ala an-nas min umur al-amn wal-khawf wal-harb wal-salm ila ولي الامر واهل الحل والعقد. Donc dans ces questions là qui causent des problèmes pour les gens, dans les questions qui ont rapport avec la sécurité, la crainte, la guerre, la paix, ça revient aux responsables, des dirigeants, aux gens qui ont un mot à dire dans ces questions là et qui peuvent régler le problème parmi les gens qui ont une position dans la société, une responsabilité et une autorité dans les pays musulmans. Ça c'est le manhaj des salafs à propos de ces questions là Hein? Et c'est pour ça que quand ils voient les salafis, ces gens-là, ils disent vous préoccupez pas des affaires de la Ummah. Vous vous préoccupez pas du sort de la Ummah. Comme si on voulait dire que nous, on n'est pas préoccupé par qu'est-ce qui se passe. Oui, on est préoccupé par qu'est-ce qui se passe, sauf que on veut gérer ces situations-là et ces questions-là selon le manhaj de nos salafs, pas selon l'idéologie de n'importe qui ou n'importe quoi. Hein? On veut retourner à des principes et à des bases, et c'est ça qui est important. Donc le cheikh il dit أمور الأمن وأمور الخوف وأمور الحرب والسلم والمعاهدات هذه شؤون ولاة أمور المسلمين ومن شؤون أهل الحل والعقد وهم الذين يدرسونها وهم الذين يتولونها وفيكم الكفاية ولله الحمد. أما إذا صارت مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد فإن هذا مما يفسد الأمر ومما يبلبل الأفكار ومما يشغل الناس بعضهم ببعض ومما يفقد الثقة بين المسلمين وبين الراعي والرعية وبين الأفراد والجماعات وتصبح شغل الناس الشاغل وفي النهاية لا يتوصلون إلى شيء وهذا ما يريده الأعداء. Donc le cheikh il dit donc, comme j'ai dit, les questions de crainte, de peur, de paix, les ententes internationales entre les pays et les choses de ce genre, ça c'est des choses qui ont rapport avec les dirigeants des musulmans. Et ça fait partie des questions qui ont rapport avec Ahlul Hill wal Aqd, c'est-à-dire les ulama, les gens haut placés, les gens qui ont un mot à dire dans ces questions-là. Eux, ils étudient la situation et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent des verdicts ou bien ils vont dire qu'est-ce qu'on doit faire pour régler cette question-là. Après avoir bien étudié la question avec les informations exactes et correctes, hein, et ensuite ils prennent leur décision et il nous suffit, hein, l'étude qu'ils font et le travail qu'ils font dans ces questions-là, ça c'est suffisant pour nous. Et il ne faut pas penser que si nous on ne se mêle pas de ça et que les dirigeants par exemple et les ulama, quand ils vont se pencher sur ces questions-là et qu'ils vont ramener des solutions qui ne nous conviennent pas ou bien qu'on considère comme étant incorrectes ou erronées, que nous, on aura commis une faute ou un péché du fait qu'on ne s'est pas mêlé de ces questions-là directement. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent que si, par exemple, ils n'ont pas fait quelque chose eux-mêmes directement pour aider ou régler ou essayer de solutionner un problème qui se passe à tel ou tel endroit, que eux ils vont être punis pour quelque chose qui est arrivé par rapport si ils n'ont rien fait. Mais la réalité c'est pas le cas. La réalité c'est que cette responsabilité là, elle est sur la tête et sur les épaules des ulama et des dirigeants, et que si par la suite, après avoir fait leur travail et avoir essayé de trouver les réponses à ces situations-là, eh bien, ils se trompent dans leur ijtihad, ou ils font une erreur dans cet ijtihad-là, eh bien, c'est eux qui auront les conséquences à porter sur ces questions-là, qu'est-ce que Allah va leur donner comme jugement au jour de la résurrection s'ils ont fait preuve de négligence ou ils ont eu des manquements dans l'effort qu'ils ont fait pour arriver à la vérité. Toutefois, on sait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui fait un ijtihad et qu'il a une bonne réponse dans son ijtihad, il a deux récompenses, et que s'il se trompe, il a une récompense au lieu de deux. Donc s'il a fait une fatwa dans ces questions-là, et qu'il a eu, il a fait une fatwa qui est incorrecte, ou qu'il s'est trompé, il n'est pas puni pour ça. Il n'est pas blâmé pour ça. Au contraire, même il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a fait son possible et il a donné un verdict. Et donc, même s'il s'est trompé, il sera récompensé. Toutefois, parmi les hizbiyin et les gens de bid'ah, lorsque par exemple certains ulama ont fait des fatwas puis eux, ils considèrent que cette fatwa, elle était fausse, comme par exemple la question qui a rapport avec le fait de prendre l'aide des Américains pour les faire rentrer en Arabie Saoudite, pour défendre les terres saintes, ou des choses comme ça, pour protéger contre les Irakiens du parti Baath, ou des choses comme ça, que eux ils considèrent que c'est pas correct comme fatwa, eh bien, il y en a qui ont fait le takfir du cheikh, il y en a qui ont dit que le cheikh c'est un ignorant, il y en a qui ont dit qu'il comprend pas la réalité de qu'est-ce qui se passe. Hein? Il ne comprend pas la réalité de ce qui se passe dans le monde actuel. Et ça, c'est une des choubouhades, des hizbiyin, pour éloigner les gens des ulama et pour se substituer à eux. Hein? Comme s'ils vont dire, par exemple, les ulama, ils ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe actuellement dans le monde. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils savent? C'est juste le fiqh de la purification, le fiqh, qu'est-ce qui a rapport avec les règles des menstrues. Et des choses de ce genre, et à part ça, ils ne connaissent rien. Ou bien c'est juste des gens qui savent lire les livres et puis ils sont en dehors de la réalité. Pourquoi ils ne comprennent pas la réalité selon ces gens-là? Parce que ils disent qu'ils ne lisent pas les magazines, ils ne lisent pas les journaux, ils n'écoutent pas la radio, ils ne lisent pas les journaux et ils n'écoutent pas la télévision, les infos. Donc, à cause de ça, ils ne connaissent pas la réalité du monde. Allah al-Musta'an. Hein? Donc, ça c'est parmi les choubouhats que ces gens-là vont lancer. Et, comme je disais tout à l'heure, même si tu considères à la limite qu'il s'est trompé, hein, Mais tu dois savoir qu'il a fait une ijtihad et que même s'il s'est trompé, il est récompensé pour cette ijtihad-là. Parce que c'est un alim, un mujtahid. Tandis que l'ignorant qui va faire une fatwa dans ces questions-là, même s'il fait la fatwa puis qu'il a la bonne conclusion ou la bonne solution à ce problème dans son ijtihad, il sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a une fatwa qui est correcte. Parce qu'il a fait fatwa par ignorance. Et celui qui parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des verdicts dans la religion d'Allah par ignorance, il est puni. Il a tort, même si il tombe sur la bonne réponse. Parce qu'il est tombé par hasard sur la bonne réponse. Il n'a pas les capacités, les connaissances et les outils nécessaires pour être capable de distinguer ou de juger dans ces sujets-là. Mais les gens, ils ne jugent pas de cette façon-là. Surtout les hizbines, ils jugent par leurs émotions. Ils jugent par leurs sentiments. Et ils jouent avec ça pour égarer les jeunes. D'accord ? Donc, par exemple, il y a un de ces sururi, par exemple, en Arabie Saoudite à l'époque, qui s'appelait Safar al-Hawali. Et Safar al-Hawali, quand il y a eu la guerre du Golfe, autour de cette période-là, il a écrit un livre qui s'appelle Wa'ad Kissinger. Wa'ad Kissinger, la promesse de Kissinger. Puis il a fait des cassettes, il a fait des audios dans lesquels il avertissait, il disait, il va y arriver telle chose, si vous acceptez ça, il va y arriver telle chose, vous allez faire telle chose. Et dans son livre, Wa'ad Kissinger, il essayait d'essayer de présenter un complot qui était fait par les évangélistes américains au sujet de leur plan pour essayer de prendre le contrôle des pays musulmans, des choses comme ça. En tout cas, il a ramené plein d'histoires là-dedans. Et subhanallah, la plupart de ce qu'il a écrit dans ce livre, c'était juste des idées qu'il a eues lui dans sa tête. Et la plupart de ces choses-là, aujourd'hui, on a vu que c'est même pas arrivé, qu'est-ce qu'il prétendait. Donc c'est pour dire que de penser que tu vas connaître les complots des ennemis de l'islam en lisant les journaux, en lisant les magazines, en lisant en écoutant les nouvelles, ou en recherchant dans ces choses-là, que dans ça tu vas trouver les ruses et les complots et les secrets des koufars, comment ils planifient pour faire des problèmes ou des torts ou comploter contre les musulmans et contre l'islam, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Parce que si ces gens-là ont vraiment des plans et des secrets d'État et autres, ils vont pas le publier dans le journal. Ils vont pas le dire aux nouvelles de l'après-midi ou du soir. C'est des choses qu'ils calculent et qu'ils font, des plans qu'ils font en secret, qui fait partie des secrets d'État. Et qui sont discutés entre eux et les services de renseignement, et qu'ils échangent pas ces informations-là avec la population ou le public, Et pour connaître ces complots et ces ruses-là, il y a d'autres personnes qui sont chargées de ça par les responsables des musulmans dans les pays musulmans, qui ont pour responsabilité de faire justement ce travail-là. Et eux, quand ils s'assoient avec les dirigeants et avec les ulama, ils étudient ces situations-là et ils arrivent par la suite avec des réponses et des solutions à ces questions-là. C'est pas en écoutant les nouvelles ou en lisant les journaux que tu penses que tu vas arriver à la solution dans ces questions-là. Donc, on laisse ces sujets-là à ceux qui ont la responsabilité de ça. Et c'est comme le prophète Sansem a dit que فعليهم ما حمل فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Ils auront eux apporté la charge de qu'est-ce qu'ils ont fait, et vous de votre côté, c'est-à-dire la population, vous allez avoir apporté la charge de qu'est-ce que vous aviez comme responsabilité et comme devoir à exécuter, c'est-à-dire d'écouter et d'obéir aux dirigeants, de pas vous mêler de ces questions-là. Et comme je disais tout à l'heure, bien entendu, pour la population des musulmans qui vivent à l'époque actuelle, soit ici en Occident ou bien dans les pays arabes maintenant, qui ont été influencés par la mentalité occidentale et les idéologies des occidentaux, de penser qu'ils ont la liberté d'expression, la liberté de croyance et d'opinion, et que tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense ouvertement sur tous les sujets sans restriction et sans limite, hein, eh bien, là, lorsqu'on entend des propos comme qu'est-ce qu'on lit dans le Coran à ce sujet-là et dans la parole des ulama, des salafs et ainsi de suite, on a l'impression comme si, ah, mais comment ça se fait, c'est juste eux qui ont le droit de parler de ces questions-là. Et c'est devenu étrange pour nous. Et ça me fait penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada » L'islam est commencé comme une chose étrange et elle redeviendra étrange comme elle a commencé. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Parce que l'islam est devenu étrange pour les musulmans aujourd'hui. Et même pour certaines personnes qui prétendent vouloir suivre la sunna et vouloir appeler à l'islam et à la charia parmi les hizbiyin et parmi les gens de bid'a à notre époque. Et la fitna des khawarij, elle a commencé avec ces questions-là. Et les bid'a des mu'tazila. Et presque de tous les groupes de bid'a, c'est toujours par rapport à ces questions politiques et des questions d'économie et de justice sociale et des trucs de ce genre. Hein? Donc il dit, si on se permet, si tout le monde, chaque personne se permet de rentrer dans ces questions-là, eh bien ça corrompt tout. Ça commence à mélanger les pensées des gens et les idées. Et ils commencent à discuter de ces sujets-là. Et ça amène à comme conclusion que les gens perdent la confiance qu'ils ont en leurs dirigeants. Et ils perdent aussi la confiance qu'ils ont en les ulama. Et ils ne prennent leur temps que de discuter de ces sujets-là par la suite. Et c'est là que tu vois, par exemple, chez les koufars dans les pays occidentaux, tu vois des émissions d'opinion ou des lignes ouvertes. Les gens téléphonent à la radio, l'animateur leur pose une question sur qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays. Là, tu vois, n'importe qui téléphone à l'émission, il commence à dire « Ah, mais moi, je pense qu'il y a telle chose, puis il faut... Hein. » Et à la télé même. Hein, la télévision, des émissions comme ça, les gens, ils doivent dire leur opinion. Moi, je pense que telle ou telle affaire. Et là, maintenant, dans les pays arabes, hein, eh bien, les koufars et les munafiqines et les faibles d'esprit et les faibles de foi ont ramené ce même manhaj, cette même idée dans les pays arabes maintenant. Et c'est pour ça que tu vas trouver maintenant beaucoup de gens dans les pays arabes et non arabes parmi les pays musulmans qui imitent tout ce que les koufars font. Eh bien, ils commencent à faire ces émissions-là. L'animateur, il pose une question aux auditeurs et les gens, ils téléphonent. Et puis, ils commencent à dire « Oh, moi, je pense telle chose, je pense telle affaire. » Et ils invitent un docteur ou un spécialiste dans tel ou tel sujet, puis lui aussi commence à émettre ses opinions. Puis là, les gens téléphonent pour dire « Moi, je suis d'accord avec le docteur. » Et d'autres, ils disent « Non, je suis pas d'accord avec lui. » Et donc, c'est comme pour diviser les opinions des gens et pour les mélanger et les confondre et faire en sorte qu'ils se préoccupent de ces choses-là. Et le cheikh, il dit « C'est ça que les ennemis de l'islam veulent. Hein? » Faire en sorte que les gens commencent à penser que tout le monde peut penser n'importe comment et chacun peut avoir son propre opinion sur chaque chose. Et comme ça, à la fin, ça amène les gens à se diviser. C'est ça qui amène la division, en fait, dans la société. Donc, le cheikh dit « Kazalikum Allah jalla wa ala amarana bittathabut hinama yablughuna shay'un an jama'atin » من الجماعات عن قبيلة من القبائل أو عن فئة من المسلمين إذا بلغنا خبر سيء يقتضي قتال هذه الجماعة أمرنا جل وعلا أن لا نتسرع في هذا الأمر حتى نتثبت. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le cheikh dit c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de faire preuve de retenue et de vérification. Et ça, les ulama, ils, il le mentionne en particulier dans les moments de fitan, dans les moments de tribulation et de problèmes dans la société. Il nous ordonne de faire preuve encore plus de retenue et de vérifier les informations encore plus que dans les temps ordinaires. Lorsqu'il nous parvient une information à propos d'un groupe de personnes ou à propos de tribus parmi les tribus ou de groupes parmi les musulmans ou autres, on entend une mauvaise nouvelle ou des choses de ce genre qui impliquent par exemple qu'on devrait combattre tel groupe ou tel groupe, Allah nous ordonne de ne pas nous précipiter et de vérifier l'information. Et il mentionne le verset 6 dans surat Al-Hujurat, يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, donc ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle ou avec une information, alors vérifiez cette information-là. أن تصيبوا قوما بجهالة, pour éviter de faire du tort à une personne par ignorance, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين, puis que vous deveniez par la suite, après avoir fait ça, que vous ayez des remords par rapport à ce que vous aviez fait, du fait que vous avez pris des conclusions, vous êtes arrivé à des conclusions trop rapides, vous avez fait des calculs trop simplistes, et puis vous êtes arrivé donc à des conclusions erronées, puis après vous avez des remords à cause de ça, parce que vous avez fait des erreurs. Donc le cheikh dit, يعني إذا بلغكم خبر عن جماعة أو قوم أو قبيلة أو فئة من الناس أنها فعلت فعلا تستحق به أن تقاتل فلا تتعجلوا في الأمر ولا تعلنوا الحرب عليهم ولا تداهموهم حتى تتأكدوا من صحة الخبر. Donc c'est ça que le cheikh dit, ne pas se précipiter si vous entendez des choses à propos d'un groupe ou d'une tribu ou des gens qui impliquerait que vous devriez les combattre, prenez votre temps et vérifiez l'information. Et il donne l'exemple du sabab de la révélation de ce verset dans Surat Al-Hujurat. Pourquoi le verset 6 dans Surat Al-Hujurat a été révélé? Et il mentionne que Al-Hafiz ibn Kathir, il dit dans son tafsir, il dit sabab nuzul hadhihi al-aya al-karima أنها نزلت في بني المصطلق قبيلة دخلت في الإسلام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يجبي الزكاة منهم كغيرهم من المسلمين ولكن جاء الخبر أن هذه القبيلة منعت الزكاة وأبت أن تسلمها لمندوب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرع في الأمر ولم يداهم القوم حتى أنزل الله هذه الآية ثم جاء رئيس القبيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن مندوبه لم يصل إليهم واستبطأوه والله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعجل وأن يتسرع وأن يداهم القوم وهم لا ذنب لهم وإنما الذي أرسل إليهم لم يصل إليهم لسبب من الأسباب الله أعلم به فهم لم يمتنعوا من أداء الزكاة وما خالفوا أمر الله ورسوله ولم يخالفوا أمر الله ورسوله وهذه الآية ليست مقصورة على هذه الحادثة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي قاعدة يسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة. Donc le cheikh explique que ce verset-là était révélé. Il mentionne que Ibn Kathir, il mentionne ça dans son tafsir, que la cause de la révélation de ce verset, c'est à cause de la tribu de Al-Mustalaq. La tribu de Al-Mustalaq. Et c'est une tribu qui était entrée dans l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé quelqu'un pour rassembler la zakat. On a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là avaient refusé de donner la zakat, parce que la personne qui avait été envoyée pour rassembler la zakat, il n'est jamais revenu. Donc, ils se sont dit probablement qu'ils ont refusé de donner la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas précipité dans cette parole-là et dans ce jugement-là. Et il n'a pas envoyé, par exemple, d'armée pour les combattre. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait transmis cette information-là, hein, qu'ils avaient refusé de donner la zakat et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que le chef de cette tribu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est excusé. Et il a expliqué que la personne qui avait été envoyée n'est jamais arrivée, n'est jamais venue les voir. Et il dit, donc, le chef, que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir pris une décision précipitée et d'avoir attaqué ce peuple alors qu'ils n'ont commis aucun crime et aucun péché. Et que la personne qui avait été envoyée vers eux pour récolter la zakat, il n'est jamais arrivé pour une cause parmi les causes. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Hein, Allah sait mieux. Donc, ils n'ont pas refusé de donner la zakat. Et ils n'ont jamais contredit l'ordre d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce verset, c'est pas seulement limité à cet événement-là, c'est un verset qui s'applique de façon générale, parce qu'il y a un principe de tafsir, hein, que les ulama mentionnent dans les livres de Usul, hein, qui est de dire que, on ne doit pas prendre en considération seulement les mots, les versets eux-mêmes, la lettre du verset, mais de prendre en considération, on ne doit pas prendre en considération uniquement la cause de la révélation d'un verset, mais on doit prendre en considération le verset en général et sa signification de façon générale. Hein? C'est-à-dire que c'est pas parce que le verset est arrivé à propos de cette tribu-là que ça s'appliquait uniquement à eux, puis qu'aujourd'hui on peut plus appliquer ce verset-là aujourd'hui. Non, c'est le sens général de ce verset-là qui est important, et c'est de ce sens-là justement qu'on peut profiter pour appliquer ce verset à toute situation qui serait semblable, hein, et qui a un lien donc à qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui pourrait se produire par rapport à ça aujourd'hui. C'est-à-dire le fait qu'on doit vérifier les informations lorsque quelqu'un nous informe de quelque chose avant de prendre une décision ou de faire un jugement. Et le cheikh il dit فالتثبت واجب اذا بلغنا عن قوم او جماعه انهم ارتكبوا ما يستحقون به القتال والله امر ولي الامر ومن بيده الحل والعقد ان يتثبت من شان هؤلاء لعل لهم عذرا ولعله لم يصح ما نسب إليهم ولهذا قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. Donc il dit on est obligé de vérifier l'information lorsqu'on nous informe à propos du fait que tel ou tel groupe a commis quelque chose qui fait en sorte qu'il mérite d'être combattu. Donc il faut, il dit, Allah a ordonné aux responsables des musulmans, aux gens qui ont l'autorité et qui prennent les décisions dans la société, de vérifier les informations à propos de ces choses-là pour justement leur donner une excuse à ceux qui ont été accusés pour être sûr que qu'est-ce qui leur a été attribué est exact, hein, pour éviter de tomber dans des erreurs à ce sujet-là. Et c'est des choses qui ont rapport à ça, par exemple, à notre époque, qui fait que parfois les comme je parlais de ça hier, par rapport à ceux qui mettent en garde à propos des ulama, hein, et qui dénigrent les ulama et qui accusent les ulama de pas comprendre, de pas connaître, et des choses de ce genre, eh bien ces gens-là, ils agissent comme ça envers les ulama. Donc s'ils agissent comme ça envers les ulama, eh bien, c'est bien entendu qu'ils vont agir comme ça envers aussi les tulab al-ilm et les gens qui appellent à ce manhaj, à cette da'wah. Et s'ils le font envers les ulama, c'est le signe que ces gens-là n'ont pas de respect pour le ilm, n'ont pas de respect pour les gens de science. Et on l'a vu dans l'exemple que j'ai mentionné hier par rapport à Cheikh Al-Albani, et ce jeune qui voulait apprendre l'islam et qui allait étudier dans les durus de Cheikh Al-Albani, et qu'on lui a dit, si tu vas assister à ces durus, eh bien tu seras exclu de notre jama'a, tu ne pourras plus faire partie de notre groupe. Eh bien, aujourd'hui, il y a la même chose qui se passe chez les jeunes. parmi les jeunes de Hezbollah que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est que ils vont peut-être pas leur dire on va t'exclure du groupe ou bien vous allez plus faire partie de notre groupe, mais ils vont le faire d'une autre façon. Ils vont faire par la pression comme on dit en anglais peer pressure, c'est-à-dire que ils vont te mettre de la pression sans que tu t'en aperçoives, hein, pour te faire accepter leur opinion et leur position par rapport à un individu ou à une personne. Hein. Et comme par exemple, il y a un frère à Montréal que j'ai connu il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, par exemple, il m'a dit, quand je suis arrivé à Montréal, la première chose que ces gens-là m'ont dit, c'est-à-dire les Hezbollahs à Montréal, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est lui, fait attention à Souleyman, c'est un gars, hein, il est dangereux. Il fait partie d'un groupe sectaire. Hein. Et ces gens-là, ils déclarent tout le monde qu'ils sont des gens de bid'a et ainsi de suite. C'est normal que dans un endroit où les gens de bid'a, c'est eux qui ont le contrôle de toutes les mosquées, c'est eux qui ont le contrôle des associations et ainsi de suite. Hein? Donc quand on clarifie les choses qui ont rapport avec la sunna et qu'est-ce qui a rapport avec la hizbiya et des choses de ce genre, eux quand ils vont entendre ça, hein, ils vont dire ah mais lui est en train de déclarer tous les musulmans comme étant égarés, ou qu'ils disent ah ces gens-là ils ont des problèmes, ils sont égarés, ils ont des erreurs dans le manhaj, dans la aqida et des choses de ce genre. Donc ils essaient de faire croire que on est des marginaux, on est des gens radicaux, des gens extrémistes, et ils croient facilement à ce genre de choses-là parce qu'ils connaissent pas la réalité de cette da'wah et les choses auxquelles on appelle. Donc, ils lui ont dit, écoute pas ce gars-là, va pas à ses cours, c'est un extrémiste, c'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça, et ils ont le nom maintenant qu'ils utilisent pour distinguer les gens qui suivent la da'wah salafia, c'est qu'ils les appellent des madakhila. Ou Madkhaliya, hein? Madakhila, c'est-à-dire des gens qui suivent Cheikh Rabi al-Madkhali. Ou bien ils vont les appeler des Jamiya pour désigner par exemple le Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Hein? Et étant donné que ces deux savants-là sont parmi les ulama qui ont mis en garde à notre époque contre certaines hizbiyas, certains groupes et certains individus de façon très, très claire. Eh bien, ils ont ciblé ces deux parmi les savants pour essayer de faire fuir les gens de suivre justement le manhaj des salafs en se basant sur l'exemple de ces deux savants-là. Et c'est un petit peu semblable à ce que les gens de bid'a comme les soufis et autres font par rapport à la salafia de façon générale quand ils veulent mettre en garde des gens au sujet de ceux qui appellent au tawhid et qui appellent à la sunna et qui mettent en garde contre le shirk et les bid'a, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils vont dire attention, ces gens-là c'est des wahhabis, hein, c'est al-wahhabiyya. Donc étant donné que ces hizbiyyin-là eux-mêmes se font parfois traiter de wahhabiyyin parce qu'ils ont, comme j'ai dit, certains aspects de qu'est-ce qui a rapport avec la aqida du tawhid et des choses de ce genre qu'ils ont accepté parmi eux, comme les sururiyya et les qutbiyya, qui sont parfois d'accord avec certains aspects qui ont rapport avec le tawhid, ils clarifient ces choses-là, ou al-asma wa sifat et le fait d'affirmer les attributs d'Allah et ainsi de suite. Donc ils se font parfois traiter de wahhabiyya, d'accord, alors que ils n'ont ils ont plein de contradictions avec le manhaj de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans d'autres aspects et dans d'autres points du manhaj de la aqida. Donc eux, ils ne peuvent pas nous dire on est des wahhabis. Ils sont obligés de trouver un autre nom pour nous marginaliser et pour faire fuir les gens de nous et de nos rangs et de notre da'wah. Alors ils utilisent ce genre de termes, les madakhila ou al-madkhaliya, hein, ou des choses de ce genre. Et pourtant, on sait tous que Cheikh Rabi al-Madkhali fait partie des ulama, et que les ulama de l'islam, parmi les plus grands d'entre eux, ont tous fait ces éloges, et ont tous mentionné qu'il fait partie des hommes de science. Et il y a des ulama qui ont rassemblé les paroles élogieuses des savants envers ce cheikh, et qui ont mentionné donc qu'est-ce qu'ils ont dit à son sujet. Et ce sont des paroles qui montrent que c'est un parmi les grands savants, et qu'ils le respectent et qu'ils ont du respect pour lui, hein, et pour sa science. Et c'est un homme qui a actuellement, qui est dans les 80, hein, de 80 ans passés. C'est pas, hein, un jeune, comme certains s'imaginent que c'est un jeune dans la trentaine ou quelque chose comme ça. Non, Cheikh Rabi, c'est quelqu'un, certains d'entre nous aujourd'hui, on n'a même pas le quart de son âge, hein. Et toutes ces années-là, il a passé dans la science. Et les gens de comme par exemple Cheikh Rabi al-Madkhali ou bien Cheikh Zayd al-Madkhali, c'est des gens, non seulement eux sont des ulama, mais leurs parents sont des ulama aussi, hein, souvent c'était le cas. Et parmi eux sont des élèves de Cheikh Abdullah al-Qara'awi, qui était un des grands ulama du sud de l'Arabie Saoudite. Et Abdullah al-Qara'awi, vous savez probablement qu'un de ses plus grands élèves, c'était Cheikh Hafiz Hakami, celui qui a écrit Sulam al-Wusul, qui a écrit le sharh de ce livre aussi, Ma'arij al-Qabul. Et parmi ces ulama-là, comme Cheikh Ahmed al-Najmi et autres, ils font partie de leurs élèves. Et donc c'est des gens qui ont des liens avec les hommes de science depuis des générations, c'est pas maintenant. Et tous les savants de l'Arabie Saoudite les reconnaissent et ont du respect pour eux, hein. Donc subhanallah, quand tu vois la façon dont certains parlent d'eux, c'est comme s'ils essaient de parler d'eux comme si c'était n'importe qui, hein. Donc c'est des ruses qu'ils ont comme pour essayer de faire fuir les gens. Mais le danger dans ça, c'est que ils n'appliquent pas l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. « In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Vérifiez. Mais c'est très rare que vous allez voir les jeunes aller vérifier l'information. Donc ils vont entendre quelqu'un qui critique Cheikh Rabi, qui critique des frères qui sont salafis, qui appellent à la salafia, qui appellent à la sunna. Et automatiquement, ça y est, ils vont dire, ah ok, d'accord, je vais pas aller chez lui. Eh bien, ce frère-là, dont je vous parle, eh bien, il a appliqué, lui, le verset. Il est allé vérifier. Hein? Et il m'a appelé par la suite, il m'a écrit un email, il me dit, je suis allé vérifier dans ton site, j'ai écouté qu'est-ce que tu disais. Et eux, ils ont dit que tu parlais contre certains individus qui font la da'wa à Montréal, et que tu as mentionné des choses à leur sujet. Donc, ils n'ont pas dit ça de cette façon-là. Ils ont dit, lui, il parle, il insulte, et il parle contre telle et telle personne. Et lui, il est allé vérifier. Il est allé écouter. Il a dit, je suis allé vérifier, je suis allé écouter. Qu'est-ce que vous dites à propos de ce frère ? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dit que j'ai trouvé que les paroles qu'il a mentionnées à propos de ceux qu'il a critiqués, il n'a fait que rapporter leurs propres paroles et leurs propos à eux directement, sans changer, sans modifier quoi que ce soit. Et qu'il a répondu à ces paroles-là avec les paroles des ulama. Qu'est-ce que les ulama on dit au sujet de ces questions-là, hein, par rapport au sujet des anachites, par exemple. J'ai fait 3 cours à propos des anachites. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapporté qu'est-ce que les ulama ont dit sur les anachites. Et j'ai mentionné qu'est-ce qu'ils ont dit. Et je n'ai pas ramené seulement les fatwas de 1 ou 2 ou 3 parmi les ulama, mais une dizaine et même plus. Et ces savants-là, quand ils mentionnent l'interdiction des anachites, ils mentionnent les preuves du Coran et de la Sunna, et ils expliquent pourquoi les anachites sont interdites. Hein? Et ils mentionnent que ceux qui utilisent ce genre d'anachites pour faire la da'wa, ce sont soit des soufis, hein, ou bien des hizbiyins. ça que j'ai mentionné. Et j'ai dit, ces gens-là, tu les retrouves dans leurs vidéos qu'ils mettent sur YouTube ou sur Dailymotion ou autre, ils mettent toujours des anachites. Hein? Et c'est de la musique. Et ça, c'est les méthodes des soufis et des hizbiyin. Et ça, c'est les ulama qui ont dit ça. Donc, s'il y en a un qui ramène une fatwa, par exemple, de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui mentionne que c'est permis s'il n'y a rien de haram dans les paroles et ainsi de suite, mais c'est une fatwa qui est générale, qui n'est pas détaillée, et puis que quand tu retournes aux paroles des ulama qui mentionnent ces questions-là, ils détaillent et ils clarifient, hein, que à l'époque, peut-être dans certaines anachides, ils se limitaient seulement à réciter des belles paroles et des choses qui sont permises, sans ajouter d'instruments de musique, sans rajouter d'embellissement de voix, sans que ça devienne comme un commerce, sans que ça devienne comme si ça. Il mentionne plein d'exemples. Et bien, ça, c'était un cas. Et le shirk, ça fait tout général. Mais quand on regarde la réalité de qu'est-ce qui se passe chez les hizbiyin maintenant et comment ils font des anachides et comment ils ont modifié plein de choses à propos de qu'est-ce qui se faisait dans le passé, eh bien, on voit clairement que maintenant le hukm il a changé. En tout cas, le frère il a vérifié tout ça, il a dit ça. Il dit, moi j'ai écouté et voici ce que j'ai compris. Et vous m'avez privé d'écouter quelqu'un de qui j'ai profité beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses sur ma religion. Et donc il était, par la suite il a compris que ces gens-là, ils voulaient tout faire juste pour empêcher les gens d'apprendre ce manhaj et de comprendre cette voie comme il faut. Et donc ça nous montre l'importance de vérifier les informations qui nous sont diffusées. Et maintenant c'est ça ce qu'ils font. Par exemple, si par exemple quelqu'un par exemple veut faire une activité ou une da'wah quelque part, hein, dans une mosquée par exemple, et puis on va dans cette mosquée pour faire un dars ou des choses de ce genre, les hizbiyin arrivent et ils commencent à essayer de faire peur aux responsables de cette mosquée en leur disant, oh mais ces gens-là, faites attention, ils sont comme ci, ils sont comme ça, hein, ils vont vous ramener des problèmes. Et parfois même ils sont réunis avec les kuffars, hein, ils sont même alliés avec les médias aussi, parce que les médias mentent beaucoup dans leurs informations qui sont diffusées dans les reportages qu'ils font et dans les articles qu'ils écrivent dans les magazines et dans les journaux. Ils choisissent qu'est-ce qui fait leur affaire et puis ils mettent seulement une partie des informations. Donc ils essaient de ternir l'image de quelqu'un en yani ciblant certains sujets ou certains points, puis essayer de donner une mauvaise réputation à quelqu'un. Et c'est ce qu'ils font. Donc après, tu vois ces musulmans-là qui vont voir les responsables des associations ou des mosquées et puis qui leur font peur avec ces informations-là. D'après ce que les par rapport à ce que les koufars ont dit. Hein? Et ça, c'est un autre exemple aussi qui est arrivé. Un frère à Montréal, au Québec, de la Côte d'Ivoire, qui est responsable d'une association dans une université au Québec. Et lui, il a écouté certains des cours que j'ai donnés et il m'a invité pour venir à son université pour donner une conférence. Et lorsqu'il a annoncé aux responsables de cette université-là, par exemple, qu'il voulait que moi je vienne et ainsi de suite, eh bien les hizbiyin dans cette université-là ont été chercher par exemple des articles dans l'internet au sujet de qu'est-ce que certains journalistes ont mentionné ou écrit à mon sujet. Et ils sont allés ramener ça donc là-bas pour dire non, lui on ne peut pas l'inviter, voici ce que les journalistes ont dit sur cette personne. Hein? Et le frère, il leur a dit, montrez-moi qu'est-ce qui est contraire à l'islam dans qu'est-ce que ces journalistes-là ont écrit. Et ils ont dit, on ne peut pas trouver rien qui est contraire à l'islam là-dedans. Alors il a dit, dans ce cas-là, pourquoi vous voulez nous priver de faire venir ce frère, hein? Donc c'est des exemples. Les koufars, ils vont dire par exemple, si quelqu'un a parlé contre l'homosexualité, c'est un extrémiste. S'il a ordonné aux hommes, il a dit aux hommes, la barbe c'est obligatoire dans l'islam, et la femme doit porter le djilbab, c'est un extrémiste. Et des choses de ce genre. Et ils essaient tout le temps de faire des amalgames entre les salafis, puis les terroristes et les khawarij. Hein? Donc, ils vont faire croire aux gens que les salafis, c'est des gens qui sont divisés en trois catégories, que parmi les salafis, il y a les salafis qui suivent les chouyours, et il y a une autre catégorie, c'est les salafis politiques, et une autre catégorie de salafis sont les radicaux, ceux qui appellent aux attentats terroristes et à la violence et aux choses de ce genre. Donc pour eux, les salafis, ça englobe ces trois catégories-là, comme certains soi-disant sociologues, comme un Tunisien qui est venu à Montréal, qui s'appelle Samir Amra. Il est venu faire une maîtrise, soi-disant en sociologie, et il a écrit des livres sur les salafis et sur le salafisme. Et en France, quand il y a des situations qui se passent ou des événements qui se passent, il l'invite, lui, pour parler au sujet-là comme étant un spécialiste du salafisme. Et c'est ça ce qu'il dit dans ses articles. Et c'est ça ce qu'il explique dans ses livres. Il divise le salafisme en trois catégories, et puis il dit que les salafistes, ça englobe ces trois catégories-là. Et ça, c'est le plus grand mensonge, puisque les salafis, c'est uniquement ceux qui suivent la aqida et le manhaj des salafs et qui retournent aux ulama, ceux qui appellent à la politique et qui rentrent dans la démocratie. C'est pas des salafis. Et c'est pour ça qu'on a parlé du parti Hizb al-Nour en Égypte hier. On a mentionné l'exemple de ces gens-là qui sont rentrés dans les élections. Et on a aussi mentionné l'exemple des khawarij et des takfiriyin, comme les gens qui suivent les tendances de Bin Laden et Al-Qaïda, ou bien les groupes qui existent maintenant en Europe et en Angleterre, Hizb al-Tahrir, ou bien le groupe Fursan al-Izza, comment il s'appelle, Fursan al-Izza, ou bien le groupe ici en France, Sharia for Belgium, ou des trucs de ce genre. C'est toute la même catégorie qui suivent le manhaj des Khawarij et qui font... qui appelle au takfir et à des idées extrémistes qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui dénigrent les ulamas et contredisent les paroles des ulamas, et les médias occidentaux font tout pour essayer de faire des amalgames entre ces groupes d'égarés et les salafiyines, pour essayer de mélanger la population en général et les musulmans parmi le commun d'entre eux qui ne connaissent pas la réalité de la salafia pour leur faire peur par la suite. Donc quand ils vont entendre le mot salafi, ils vont commencer à trembler parce qu'ils pensent que c'est ces choses-là. Et quand ils vont entendre que quelqu'un qui est un da'i, quelqu'un qui appelle à la salafia et qui veut donner des conférences quelque part, ils viennent le voir et lui font peur. Et ils lui disent, faites attention, si vous l'invitez lui, vous allez avoir une mauvaise réputation. Et votre mosquée va être classifiée parmi les mosquées qui sont extrémistes, et ainsi de suite. Ça fait partie de ce qu'on a mentionné tantôt, parmi les exemples de ceux qui répandent des rumeurs, qui répandent des mensonges, qui répandent des choses pour faire peur aux gens. Al-Murjifoun. Et parfois, ce sont soit que ce sont des gens de bid'ah qui font ça, ou des munafiqin, ou autres. Et il y a même un des directeurs d'une mosquée à Montréal, il m'a dit à propos de quelqu'un qui, il le blâmait, il blâmait un imam à Montréal, bon, c'est pas un salafi, mais il aimait aller dans les émissions de télévision pour parler. Yani, il avait cette fitna. Donc, Allah al-Musta'an. Donc, quand ils l'ont invité, il a parlé, il a fait des commentaires au sujet de certains politiciens homosexuels. Il a critiqué, il a dit, s'il a perdu les élections, c'est à cause du fait qu'il était homosexuel. Personne n'a voulu voter pour lui à cause de ça. Et eux, bien entendu, les pouvoirs ont été offusqués par ça. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que la communauté, certains de ces responsables de mosquées, de centres d'associations islamiques, eh bien, étant donné qu'ils sont tellement sensibles à la critique médiatique et à ce qui se dit dans les médias, et ils ont tellement peur pour leur réputation dans des questions comme ça, puis ils ont peur de plein de répercussions aussi. ils ont commencé à dire, et il m'a dit la personne en particulier, face à face, quand j'étais assis, on était là pour manger, un frère qui m'a amené là-bas, et l'autre il m'a dit, écoute, moi si je suis dans mon pays au Maroc, je vais dire qu'est-ce que je veux à propos des homosexuels, même je vais le tuer moi-même. Hein? Il dit, subhanallah, déjà ça, est-ce que c'est permis que toi-même tu te permettes de tuer quelqu'un comme ça, un individu, même si c'est un homosexuel, est-ce que tu penses que selon la charia, tu as le droit de le tuer toi-même? Ou bien ça c'est quelque chose, premièrement il faut les conditions et les règles, et que c'est limité aux responsables et aux dirigeants. De un, déjà premier problème avec qu'est-ce qu'il a dit. Deuxièmement, il a dit, mais ici on est au Québec, et il faut respecter les valeurs de la population et des gens. J'ai dit, subhanallah, j'ai dit, depuis quand l'homosexualité est une valeur québécoise? J'ai dit, subhanallah, les Québécois, je dis, moi, ma mère est québécoise, mon père est haïtien. J'ai jamais rencontré des Québécois qui ont dit, pour nous, la valeur, une de nos valeurs, c'est l'homosexualité. Hein? J'ai dit même dans la Bible, j'ai dit, moi, avant l'islam, j'étais dans le christianisme, j'ai lu la Bible, il y a des versets dans la Bible qui mentionnent que pour deux hommes qui sont pris en train de commettre la sodomie, c'est qu'ils soient exécutés. Et c'est ça la peine qui est mentionnée dans l'Ancien Testament. Si un homme fait avec un homme ce qu'il fait avec une femme, ils seront exécutés et leur sang retombera sur eux. C'est dans l'Ancien Testament. Hein? Donc, moi qui ai inventé ça. J'ai dit, vous, votre problème, c'est que quand vous parlez aux kuffars, vous ne parlez pas d'un point de vue de da'wah, pour inviter ces gens-là à l'islam. Vous parlez du point de vue de l'intégration des musulmans dans les pays de kuffar. Donc, vous venez pas ici, vous ne pensez pas de parler de l'islam en tant que personne qui veut appeler les hommes à la vérité et les faire venir à l'islam. Vous leur parlez de l'islam comme si... Vous leur parlez de l'islam en tant que personne qui vient dans un pays étranger pour s'intégrer. Et donc vous essayez de polir et d'éliminer de l'islam tout ce qui pourrait déranger les soi-disant opinions de qu'est-ce que pensent les gens en général ou la population ou l'opinion populaire ou des choses de ce genre. Tandis que les prophètes d'Allah, quand ils arrivaient chez un peuple, et quand ils les appelaient à l'islam, est-ce qu'ils allaient dire, ah, ben, je vais pas dire ça parce que ça va les déranger, ça va les choquer. Je vais pas leur dire que Allah est unique et que leurs idoles sont fausses parce qu'ils vont être fâchés contre moi. Donc, je vais faire des, compromis là-dessus. Je vais leur dire que bon, ok, vous pouvez continuer à faire ça. Puis, petit à petit, on va les appeler à laisser tomber le shirk. Non. C'était clair et net l'affaire. La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et cette parole-là, seule, à elle seule, pour les mouchriquins, c'était considéré comme une insulte. Ils ont vu ça comme si c'était une attaque directe contre leurs idoles. Et par la suite, les autres règles sont arrivées, et parmi eux, les autres règles qu'on a mentionnées déjà dans d'autres durus. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant, parce que c'est l'heure de la salat. Mais c'est Yanni, donc juste pour faire comprendre donc comment les gens de Bida font pour essayer d'écarter les jeunes de cette dawa et comment ils font pour justement faire peur aux musulmans en général, soit le commun d'entre les musulmans ou bien les responsables des mosquées ou des centres islamiques pour leur faire peur, pour les éloigner du fait d'entendre le message de l'islam. Et on y reviendra, inshallah, après la salat, bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, wa jazakumullah khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.